Je suis sorti hier soir dans l'intention de me saouler. J'écumais tous les bars, buvant des grands blancs limés. Et plus tard, je me rappelle plus. Je me suis retrouvé à quatre pattes en train de courir dans la rue à 5h30 du mat. Et puis l'ambulance est arrivée. Elle était pleine d'infirmiers et gentiment ils m'ont amené passer la nuit au vinatier. Maintenant je suis couché, attaché, ligoté sur le pieu. Ils me laissent pas m'en aller, pourtant je vais beaucoup mieux. Le toubib m'a dit vous êtes foutu, j'en avais pour 3 mois. Au grand maximum, on va vous remettre à la rue avec une bonne dose de Valium dans le cul. J'suis donc sorti hier soir dans l'intention de me pinter, mais je devais pas être